salut Evan, à bientôt. You play great player, big player, nice. J'ai le blues sur Ninja. Et j'ai le blue.